gooi mijn klarinet aan. qu'est-ce que tu veux jouer? Mike, tu veux jouer un truc? Demande. Et si je peut-être que j'ai. Non, non, non, non.